qu'à me fermer les yeux pour m'en apercevoir. Quand on veut savoir où l'on est, on se ferme les yeux. On est là où on est quand on a les yeux fermés. On est dans le noir et dans le vide. Là où je suis quand j'ai les yeux fermés, il n'y a personne. Il n'y a jamais que moi. Il ne faut pas s'occuper des autres, ils sont ailleurs. Quand je parle ou que je joue avec les autres, je sens bien qu'ils sont à l'extérieur. Ils ne peuvent pas entrer où je suis et que je ne peux pas entrer où ils sont. Je sais bien qu'aussitôt que leurs voix ne m'empêcheront plus d'entendre mon silence, la solitude et la peur me reprendront. Il ne faut pas s'occuper de ce qui arrive à la surface de la terre et à la surface de l'eau. Ça ne change rien à ce qui se passe dans le noir et dans le vide. Où on est. Je suis sorti avant. J'ai loisir étrange, des fleurs en flaque, yeux multiples noirs, perles de ruisseaux. Sont des cris qui me font mal. La lumière de l'hôpital. Qui dort déjà? Reposez le temps. S'éloigner, le mot amour est mort en sourd, musique revenue. Sont des cris qui ne font mal qu'à la lumière de l'hôpital. Ce sens sensible sur moi, c'est sûr, je saurai soutenir mon âme, c'est certain, mais l'aiguille dure en enfonçant ma couche injecte le serpent goutte à goutte dans le sang. Sont des cris qui ne font mal qu'à la lumière de l'hôpital. Hôpital, hôpital. Appel à tous. Il est noir, ne pas voir le contenu de mon corps. Je souligne mes pensées et on m'emmène. Mes rêves écrasés, overdose man. Sont des cris qui ne font mal que la lumière de l'hôpital. hôpital, hôpital, hôpital. Appel à tous, Dieu n'existe pas. Je suis ici pour le dire, Dieu n'existe pas. Il n'est que l'illusion, je me noie dedans. La drogue passion des catholiques, de la foi. Des cris qui ne font mal qu'à la lumière de l'hôpital, hôpital, hôpital, hôpital. Appel à tous, Dieu n'existe pas. Je suis ici pour le dire, Dieu. Il n'est que l'illusion, tu te noies dedans. La drogue passion des catholiques, de la foi. Là où je suis, quand j'ai les yeux fermés, il n'y a personne. Il n'y a jamais que moi. Là où je suis, quand j'ai les yeux fermés, il n'y a personne. Il n'y a jamais que moi.